Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Doctrine et paroles remarquables de Frère Égide. Chapitre 1er, des vices et des vertus. La grâce de Dieu et la vertu sont comme l'échelle et la voie qui conduisent au ciel, les vices et les péchés sont comme l'échelle et la voie par lesquelles on descend dans les profondeurs des enfers. Les vices et les péchés sont un poison et un venin mortel, les vertus et les bonnes œuvres sont un remède plein d'efficacité. Une grâce attire après elle une autre grâce, un vice attire après lui un autre vice. La grâce ne veut pas de louange, le vice ne peut souffrir le mépris. L'esprit, dans l'humilité, goûte le repos et la paix, et la patience est sa fille. La sainte pureté voit Dieu, la vraie dévotion le goûte. Aimez, et vous serez aimés, servez, et vous serez servis, craignez, et vous serez craints, soyez bon à l'égard des autres, et l'on sera bon à votre égard. Bienheureux toutefois celui qui aime et qui ne désire pas d'être aimé, celui qui sert et qui ne souhaite pas d'être servi, celui qui craint et qui ne demande pas d'être craint, celui qui est bon à l'égard des autres et qui ne prétend pas que l'on soit bon à son égard. Mais ce sont là de grandes vertus et de hautes perfections, les insensés ne peuvent ni les connaître, ni les acquérir. Trois choses surtout sont très importantes et très utiles, celui qui les possède ne tombera jamais. La première, c'est que l'on supporte volontiers, et même avec plaisir, pour l'amour de Jésus-Christ, toutes les tribulations qui surviennent. La seconde, que l'on s'humilie tous les jours dans tout ce que l'on fait et dans tout ce que l'on voit. Enfin, la troisième, que l'on aime fidèlement et de tout son cœur le bien suprême, céleste et invisible, qu'on ne peut voir avec les yeux du corps. Ce qui attire le plus le mépris et le blâme des mondains, et ce qui est le plus agréable aux yeux de Dieu et de ses saints, au contraire, ce qui est le plus aimé, le plus honoré des mondains, ce qui leur fait le plus de plaisir. Et cela même qui devant Dieu et ses saints, est le plus méprisé, le plus blâmé, le plus en horreur. Ce triste renversement procède de l'ignorance et de la malice de l'esprit humain, car l'homme, dans sa misère, chérit avec le plus de passion ce qu'il devrait le plus haïr, et il est ce qu'il devrait le plus affectionner. Un jour Frère Égide demandait à un frère, « Mon cher frère, votre âme est-elle en bon état ?»« Je ne puis le dire, » répondit le frère. « Eh bien, » reprit Frère Égide, « sachez que c'est la contrition, la sainte humilité, la sainte charité, la sainte joie et la sainte dévotion, qui mettent l'âme en bon état et qui la rendent heureuse. » Chapitre 2 De la foi. Tout ce que l'on peut penser avec le cœur, exprimer avec la langue, voir avec les yeux, toucher avec les mains, tout cela n'est rien en comparaison de ce qui ne peut ni se penser, ni se voir, ni se toucher. Tous les saints et les sages, tant des âges passés que du temps présent et des siècles à venir, ont dit et ont écrit, disent et écrivent, diront et écriront de grandes choses sur Dieu, mais toutes leurs paroles et tous leurs écrits n'ont été, ne sont et ne seront, devant la réalité, que ce qu'un grain de millet est en comparaison du ciel et de la terre, et même mille fois moins encore. L'Écriture, quand elle parle de Dieu, est semblable à une mère qui bégaye avec son petit enfant, et qui ne serait plus comprise si elle s'exprimait autrement. Un jour, Frère Égide demandait à un juge séculier, « Croyez-vous que les dons de Dieu soient d'un grand prix ?»« Certainement, » répondit le juge. « Eh bien, » reprit Frère Égide, « je veux vous prouver combien vous êtes inconséquent avec vous-même. À combien estimez-vous tout ce que vous possédez en ce monde ? À 1000 livres environ, répondit le juge. Et céderiez-vous ces propriétés pour 10 000 livres ? Demanda le frère. Sans hésiter, répliqua le juge. Alors frère Égide lui dit, une chose certaine, c'est que tous les biens de la terre ne sont rien en comparaison de ceux qui nous sont réservés dans le ciel. Pourquoi donc ne pas donner à Jésus-Christ ce que vous possédez pour obtenir en échange ses éternelles richesses? Le juge, savant de la misérable sagesse du monde, répondit au frère, qui était la pureté et la simplicité même. Dieu vous a rendu sage de sa divine folie. Croyez-vous, frère Égide, qu'il y ait un homme, sur la terre, en possession de biens considérables, qui voulût, dans la pratique, se conformer à ce qu'il croit intérieurement? Remarquez, mon bien cher frère, répliqua frère Égide, que tous les saints se sont appliqués à accomplir, autant qu'il était en eux, ce qu'ils savaient et croyaient être de la volonté de Dieu, et quand ils étaient dans l'impossibilité de pratiquer ce qu'ils souhaitaient, les désirs de leur volonté suppléaient à leur impuissance, de sorte que ce qu'ils ne pouvaient réellement accomplir était néanmoins regardé comme fait, en vertu des vifs désirs de leur âme. Frère Égide disait encore, « Donnez-moi un homme dont la foi soit parfaite, bientôt aussi vous trouverez la perfection dans toutes ses œuvres, et son salut éternel sera certain. Quand on attend avec une foi constante le bien suprême et souverain, quel dommage et quelle peine peut-on ressentir, en cette vie, de l'adversité, quelque dure qu'elle soit? Et l'homme misérable, qui ne peut attendre que le mal éternel, quelle jouissance lui procureront en ce monde les biens temporels? Que l'homme, quelque grand pécheur qu'il soit, ne désespère jamais, tant qu'il vivra, de la miséricorde divine, car, de même qu'il n'y a pas d'arbre, si épineux, si raboteux et si noueux qu'il soit, que l'on ne puisse aplanir, polir et rendre beau, de même aussi il n'est pas d'homme au monde, si criminel et si grand pécheur qu'il soit, que Dieu ne puisse convertir, pour orner son âme de toutes les vertus et des grâces les plus signalées. Chapitre 3 De la sainte humilité. On ne peut arriver à la connaissance et à l'intelligence de Dieu que par la vertu de la sainte humilité, car le droit chemin pour monter, c'est de descendre. Tous les dangers et toutes les chutes qui ont désolé la terre ne sont venus que de ce que l'homme a levé trop haut la tête, c'est-à-dire de ce que son esprit s'est enflé d'orgueil. La chute du démon, précipité du ciel, celle de notre premier père, Adam, banni du paradis pour son orgueilleuse désobéissance, le pharisien de l'Évangile, et plusieurs autres exemples semblables, en sont autant de preuves. Nous voyons, au contraire, que les plus grandes faveurs ont été accordées quand l'homme a courbé la tête, c'est-à-dire quand son esprit s'est humilié. L'exemple de la bienheureuse et très humble Vierge Marie, celui du publicain, celui du bon larron sur la croix, et une foule d'autres que l'Écriture nous présente, rendent cette vérité incontestable. Il serait donc heureux que nous puissions avoir suspendu au cou un pesant fardeau qui nous ploya continuellement la tête, c'est-à-dire qui nous porta à nous humilier sans cesse. Un religieux disait un jour à frère Égide, « Dites-moi, mon père, quel est le moyen de fuir l'orgueil ?»« Mon frère, répondit frère Égide, rappelez-vous bien que jamais vous n'éviterez l'orgueil, qu'auparavant vous ne baissiez les yeux vers l'endroit où touchent vos pieds. Considérez attentivement les bienfaits dont Dieu vous a comblés, alors vous reconnaîtrez que vous devez véritablement courber la tête devant lui. Et puis, pensez à vos imperfections, Au péché dont vous vous êtes rendu coupable, certes, voilà bien de quoi vous humilier. Mais malheur à ceux qui veulent être honorés alors même qu'ils font le mal. Celui-là possède un degré d'humilité, qui reconnaît en soi un principe opposé à son propre bien. Celui-là possède un degré d'humilité, qui rend à autrui ce qui lui appartient et qui cherche à ne rien s'approprier pour soi-même. Non, quelque bien et quelque vertu que nous rencontrions en nous-mêmes, jamais nous ne devons nous l'approprier, c'est à Dieu seul qu'il faut tout rapporter, à Dieu, de qui découle toute grâce, toute vertu et tout bien. Mais si nous trouvons en notre cœur le péché, les vices, les passions, pensons que tout ce mal ne procède que de notre propre fond, de notre propre malice. Heureux celui qui se reconnaît et qui s'estime vil devant Dieu et devant les hommes. Heureux celui qui se juge et se condamne soi-même, sans juger ni condamner les autres. Oui, car alors il lui sera donné d'échapper aux rigueurs du jugement dernier, de ce jugement terrible et éternel. Heureux celui qui se soumet humblement au joug de l'obéissance, et qui se laisse conduire par les autres, comme le firent les apôtres eux-mêmes, avant et après le jour où le Saint-Esprit descendit sur eux. Frère Égide disait encore, « Quiconque veut acquérir et posséder dans la perfection le repos et la paix, doit regarder tous ses frères comme ses supérieurs, et se faire le serviteur et l'inférieur de tous. Heureux celui qui, dans ses actions et ses paroles, ne cherche pas le regard ni l'estime des autres, mais qui se tient avec simplicité dans les dispositions et les faveurs que Dieu a daigné lui départir. Heureux celui qui sait cacher et conserver les révélations et les consolations divines dont il est favorisé, car il n'est rien de si secret que Dieu ne révèle quand il lui plaît. Quand vous seriez l'homme le plus parfait et le plus saint qui fût sur la terre, si vous vous estimez sincèrement le plus vil et le plus misérable des pécheurs, vous avez la véritable humilité. La sainte humilité ne sait pas discourir, la bienheureuse crainte de Dieu ne sait point parler. Frère Égide comparait l'humilité à la foudre. De même, disait-il, que la foudre grand terriblement, et qu'elle rompt, fracasse et consume tout ce qu'elle rencontre sur son passage, sans qu'ensuite on puisse rien trouver de sa propre substance, ainsi l'humilité frappe, dissipe, brûle et consume toute malice, tout vice, tout péché, sans qu'ensuite on puisse rien trouver d'elle-même. L'humilité procure à celui qui la possède la faveur auprès de Dieu et la paix parfaite au milieu des hommes. Chapitre 4 De la sainte crainte de Dieu. Celui qui ne craint pas, montre qu'il n'a rien à perdre. La sainte crainte de Dieu régit, gouverne et dirige l'âme, c'est elle qui la conduit à la grâce. Possédez-vous quelque faveur, quelque vertu divine, il n'y a que la sainte crainte qui puisse la conserver en vous. Vous sentez-vous privé de vertu et de grâce? C'est par la sainte crainte que vous les obtiendrez, c'est elle qui vous y conduira. Ceux qui sont tombés dans le péché n'auraient pas failli, s'ils avaient eu la crainte de Dieu. Mais ce trésor précieux n'est accordé qu'aux parfaits, car, plus on est parfait, plus on craint, plus on est humble. Heureux celui qui se considère en ce monde comme dans une prison, et qui se rappelle sans cesse l'énormité des fautes dont il s'est rendu coupable envers le Seigneur. Nous devrions craindre toujours de nous voir précipités par l'orgueil de l'état de grâce où nous nous trouvons. Les attraits de ce misérable monde et notre propre chair, qui s'unit elle-même au démon pour combattre notre âme, sont nos plus cruels ennemis. Nous ne pouvons jamais être en sûreté tant que nous sommes exposés à leurs attaques. L'homme a bien plus à craindre de se voir trompé et vaincu par sa propre malice que par tout autre ennemi. Il est impossible que sans la sainte crainte on puisse parvenir jusqu'à la grâce et à la vertu, et surtout qu'on puisse y persévérer. Quiconque n'a pas la crainte de Dieu est en danger de périr et de tout perdre. C'est cette crainte qui rend l'homme humble et qui lui fait ployer la tête sous le joug de l'obéissance. Plus il la possède, plus sa prière est fervente, et il doit s'estimer bien heureux s'il a reçu le don de la prière. Les actions vertueuses, quelque estimables qu'elles nous paraissent, ne sont cependant pas comptées ni récompensées en proportion de l'estime que nous en faisons. C'est Dieu qui en est seul le juge, et lui, il considère moins la violence de nos efforts que celle de notre amour et de notre humilité. Le plus sûr parti pour nous est donc d'aimer et de craindre avec humilité, de ne jamais compter sur nous-mêmes, et de nous défier des pensées qui s'élèvent dans notre esprit sous l'apparence du bien. Chapitre 5. De la sainte patience. Celui qui, par amour pour Dieu, saura conserver l'humilité et la patience au milieu des tribulations, arrivera bientôt aux grâces les plus privilégiées, aux plus sublimes vertus. Maître en ce monde, il aura encore un gage qui lui assurera la possession du royaume éternel. Tout ce que fait l'homme, soit en bien, soit en mal, c'est à lui-même qu'il le fait. Ne vous irritez donc pas contre celui qui vous donne des injures, supportez-les avec une humble patience, vous affligeant seulement du péché de celui qui vous fait insulte, et priant Dieu pour lui. Plus vous serez fort à supporter et à souffrir avec patience les injures et les tribulations, plus vous serez grand auprès de Dieu, plus au contraire vous vous montrerez faible dans les douleurs et les adversités, moins vous serez agréable à ses yeux. Si l'on vous loue, si l'on dit de vous quelque bien, rapportez à Dieu seul l'honneur qu'on vous rend, si au contraire on médit contre vous, si on vous méprise, mettez-vous du parti de votre contempteur, fournissez-lui des armes contre vous. Si vous voulez que votre part soit bonne, appliquez-vous à la rendre mauvaise, en travaillant au succès de celle de votre frère. Accusez-vous vous-même, en cherchant à louer et à excuser les autres. Quelqu'un se présente-t-il pour disputer avec vous et vous contredire? Cédez-lui, et c'est ainsi que vous serez victorieux, car, si vous vouliez vous défendre et l'emporter sur votre adversaire, alors même que vous seriez demeuré vainqueur, il se trouverait que vous avez fait une grande perte. Ainsi, mon frère, croyez-moi, la voie la plus directe pour vous sauver, c'est de vous perdre. Lorsque nous savons supporter les tribulations avec courage, nous pouvons aspirer alors aux éternelles consolations. On éprouve une joie bien plus douce et on acquiert un mérite bien plus précieux, en supportant les injures et les opprobres pour l'amour de Dieu, avec patience et sans murmure, que si l'on nourrissait 100 pauvres ou que l'on pratiquait un jeûne continuel. Mais que nous revient-il? Que nous sert-il de nous mépriser nous-mêmes, de macérer notre corps par les jeûnes, l'éveil et les disciplines, si nous ne pouvons supporter la moindre injure de la part du prochain? Cette injure nous procurerait une récompense bien plus abondante, un mérite bien plus précieux que toutes les afflictions que nous nous imposerions de notre propre volonté. Car le support humble et patient des mépris et des outrages est plus efficace pour nous purifier de nos péchés que ne le serait une fontaine de larmes. Heureux celui qui a toujours devant les yeux de son esprit le souvenir de ses péchés et celui des bontés de Dieu. Oui, car alors il supportera patiemment les tribulations et les adversités, et il pourra en attendre de grandes consolations. L'homme véritablement humble ne demande pas à Dieu le mérite ni la récompense, il ne cherche que le moyen de le satisfaire en toutes choses, car il sait qu'il est son débiteur. Il reconnaît aussi que tout ce qu'il possède, c'est de la bonté divine qu'il le tient, et non de son propre mérite, mais pour les adversités, il est convaincu qu'elles sont la juste punition de ses péchés. Un religieux disait un jour à Frère Égide, « Père, si des adversités et des tribulations venaient à fondre sur nous, comment devrions-nous les recevoir ?»« Mon frère, lui répondit Frère Égide, sachez qu'alors même que Dieu ferait pleuvoir du ciel des pierres et des flèches, elles ne pourraient jamais nous nuire ni nous causer aucun dommage, si nous étions tels que nous devons être. Car alors nous saurions faire tourner à notre profit les malheurs et les tribulations. » L'apôtre l'a dit, « Pour ceux qui aiment Dieu, tout se change en bien, mais au contraire le bien se convertit en mal et en matière de jugement pour ceux qui n'ont pas la volonté pure. Voulez-vous vous sauver et participer à la gloire des cieux, ne désirez jamais vous venger, ni faire justice de personne, car le partage des saints, c'est de faire toujours le bien et de recevoir le mal. Si vous saviez équitablement apprécier l'énormité des fautes que vous avez commises envers Dieu, vous avoueriez bien alors qu'il est juste que toutes les créatures vous persécutent et vous fassent passer par les peines et les tribulations, car ce sont elles qui doivent tirer vengeance des outrages que vous avez faits à leur Créateur. C'est une grande vertu à l'homme que de se vaincre soi-même, celui qui s'est ainsi triomphé de son propre esprit, sera victorieux de ses ennemis, et il parviendra jusqu'à la source de tout bien, mais ce serait une vertu bien plus parfaite encore s'il savait se soumettre à ses semblables, alors il dominerait sur chacun de ses adversaires, c'est-à-dire sur ses vices, sur les démons, sur le monde et sur sa propre chair. Si vous voulez arriver au salut, renoncez à toutes les consolations que peuvent vous procurer les choses de ce monde et toutes les créatures mortelles, méprisez-les, car les chutes qui viennent de la prospérité et des consolations sont bien plus fâcheuses et bien plus fréquentes que celles qui résultent des adversités et des tribulations. Un jour, un religieux murmurait contre son gardien en présence de Frère Égide, il se plaignait d'un ordre qu'on lui avait imposé et qui lui paraissait trop sévère. « Mon cher frère, lui dit Frère Égide, plus vous murmurerez, plus vous appesantirez votre fardeau et plus il vous sera lourd à porter, au contraire, plus vous vous humilierez. Plus vous serez docile à vous soumettre au joug de la sainte obéissance, plus aussi le fardeau qu'elle vous imposera sera doux et suave. Mais je crois remarquer que vous refusez de supporter le mépris en ce monde pour l'amour de Jésus-Christ, et que cependant vous prétendez ensuite partager sa gloire avec lui, vous ne voulez pas être ici-bas persécuté ni maudit pour l'amour du Christ. Et vous croyez pouvoir être reçu dans son royaume et y jouir de ses bénédictions, vous refusez de rien souffrir en cette vie, et vous voulez goûter en l'autre les douceurs du repos. Mon frère, je vous le dis, vous êtes dans une grande illusion, car c'est par la voie de la bassesse, de la honte et des opprobres que l'on arrive au véritable honneur du ciel. C'est en supportant patiemment, et pour l'amour de Jésus-Christ, les dérisions et les malédictions, que l'on parvient à la gloire. Il est donc bien vrai, ce proverbe, que celui-là ne reçoit pas ce qu'il désire, qui ne sacrifie pas ce qui lui coûte. Voyez le cheval, quoiqu'il puisse courir seul avec rapidité, il se laisse néanmoins conduire et guider. Et il se prête à toutes sortes de mouvements, selon la volonté de son cavalier. Ainsi doit agir un serviteur de Dieu, il faut qu'il se laisse régir, guider, manier et ployer à la volonté de son supérieur et même à la volonté de tout autre, pour l'amour de Jésus-Christ. Si vous voulez être parfait, appliquez-vous soigneusement à la vertu, attaquez le vice avec vigueur, supportez toutes les adversités avec patience pour l'amour de ce Dieu qui, lui aussi, a passé par les tribulations, les afflictions et les opprobres, qui a été battu, crucifié et mis à mort pour votre amour, oui, pour votre amour, car ce n'était pas ses fautes, ni sa gloire, ni ses intérêts qui le réduisaient à ses extrémités. C'était le seul amour que lui eût inspiré votre salut. Mais pour arriver au point que je vous ai marqué, il faut d'abord songer à vous vaincre vous-même, car c'est peu de diriger les âmes des autres et de les conduire à Dieu, si l'on ne commence par se conduire et se diriger soi-même. Chapitre 6. De l'oisiveté. Celui qui demeure dans l'oisiveté, perd, avec ce monde, l'espérance d'en posséder un autre. Il est impossible que l'on puisse jamais arriver à l'acquisition des vertus sans de grands soins et de grandes fatigues. Lorsque vous pouvez vous tenir en sûreté, n'allez pas vous mettre dans une position douteuse. Or, celui-là est en sûreté qui est travaillé par les sollicitudes et les afflictions, et qui porte le poids de la fatigue selon le bon plaisir de Dieu et pour son amour, et non par la crainte du châtiment et le désir de la récompense. Celui qui refuse les afflictions et les fatigues pour l'amour de Jésus-Christ, ne veut véritablement pas de sa gloire, et de même que la sollicitude est pour nous d'une grande utilité, ainsi la négligence nous est toujours nuisible. L'oisiveté conduit au vice, et le vice en enfer, l'application conduit à la vertu, et la vertu au ciel. Nous devrions nous appliquer, avec un grand soin, à l'acquisition et à la conservation de la vertu et de la grâce de Dieu, et agir sous leur influence, car il arrive souvent que celui qui ne travaille pas avec fidélité, finit par perdre le fruit par les feuilles et le grain par la paille. Aux uns, Dieu a donné de bons fruits avec peu de feuilles, à d'autres, il accorde tout à la fois et les fruits et les feuilles, enfin, il en est qui ne reçoivent ni les fruits ni les feuilles. Il y a plus de mérite, à mon avis, à conserver secrètement les biens et les grâces que nous tenons de Dieu, qu'à savoir les acquérir, car, lors même que nous serions en état de faire un gain considérable, si nous ne savons pas le conserver, nous ne serons jamais riches. Mais il y en a qui amassent peu à peu, et ils deviennent riches parce qu'ils savent conserver leurs gains et leurs trésors. Oh, l'immense quantité d'eau qu'aurait amassé le Tibre, s'il ne la laissait échapper par aucune issue. Nous demandons à Dieu un don infini, sans mesure et sans fin, et nous bornons et nous mesurons l'amour que nous lui portons. Celui qui veut être aimé de Dieu et recevoir de lui une récompense infinie et incommensurable, doit aussi l'aimer d'un amour infini et le servir toujours. Heureux celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, qui afflige continuellement son corps, pour son amour, qui ne demande aucune récompense, et qui se reconnaît au contraire toujours infiniment redevable. Si un homme se trouvait dans la misère et que quelqu'un vint lui dire « Je consens à te prêter, pour 3 jours, un objet de grand prix, si tu sais le faire fructifier pendant que tu le posséderas, tu peux amasser un trésor infini et tu seras riche pour toujours », certainement, ce pauvre s'empresserait de faire valoir de son mieux l'objet précieux qui lui aurait été confié. Eh bien, Sachez que le corps est cet objet précieux que nous tenons de la main de Dieu. Il nous l'a prêté pour 3 jours, car tout le temps de notre vie peut être comparé à ce court espace. Si donc nous voulons devenir riches, nous devons nous appliquer à faire valoir et fructifier, autant que nous le pouvons, ce corps que Dieu met à notre disposition pour 3 jours, c'est-à-dire pour le temps si court de la vie. Mais si nous ne nous mettons pas en peine de faire notre profit dans cette vie où le temps nous est donné, nous devons renoncer aux richesses éternelles, nous ne pourrons jamais goûter le repos des bienheureux. Supposez que tous les biens du monde soient en la possession d'un seul homme et qu'il ne les fît fructifier par personne, à quoi lui servirait-il? À rien, certainement. Celui, au contraire, qui aurait le talent de faire valoir le peu qu'il possède, pourrait en retirer une grande utilité pour lui et un grand fruit pour les autres. Il y a dans le monde un proverbe qui dit « Ne mettez jamais bouillir sur le feu marmite vide, en comptant sur votre voisin. » Dieu ne veut pas qu'aucune grâce demeure inutile, car s'il nous l'a donnée, c'est afin que nous la mettions en usage par nos bonnes œuvres. La bonne volonté ne suffit pas, si dans la pratique, on ne veut pas s'appliquer aux œuvres qu'elle inspire. Un jour un homme désœuvré disait à Frère Égide, « Mon père, je vous prie de me donner quelques consolations. » « Mon frère, lui répondit Frère Égide, « travaillez à vous mettre bien avec Dieu, et aussitôt vous trouverez cette consolation que vous me demandez. » Si l'on ne cherche pas à se ménager, au fond de l'âme, une demeure convenable où Dieu puisse habiter et reposer, jamais on ne trouvera dans les créatures ni repos, ni consolation véritable. Celui qui veut faire le mal ne demande pas conseil auparavant, mais avant de faire le bien on réfléchit longtemps et l'on a recours aux avis des hommes sages. Un jour Frère Égide dit à ses compagnons, « Mes frères, il me semble que maintenant on ne rencontre plus personne qui veuille faire ce qui lui est le plus avantageux, non pas seulement pour l'âme, mais même pour le corps. Croyez-moi, mes frères, et je le pourrais jurer en vérité, plus on cherche à échapper au joug du Christ, plus on appesantit son fardeau, plus, au contraire, on s'y soumet avec ardeur, en y ajoutant soi-même volontairement, plus on le sentira doux et léger. Au plus à Dieu que l'homme, en ce monde, comprit bien les vrais intérêts de son corps, car alors il travaillerait en même temps au bien de son âme. Oui, car le corps et l'âme devront certainement se trouver réunis dans les souffrances ou dans les consolations, ou bien ils seront ensemble éternellement précipités dans les enfers pour y souffrir des tourments inexprimables, ou bien, en récompense de leurs bonnes œuvres, ils jouiront ensemble des joies éternelles et inénarrables du paradis, en la société des anges et des saints. Quand même vous auriez pratiqué le bien et que vous auriez pardonné, si vous n'avez pas l'humilité, vos œuvres deviendront mauvaises. On en a vu beaucoup dont les actions paraissaient bonnes et louables, mais comme ils manquaient de l'humilité, on a reconnu ensuite qu'ils n'avaient agi que sous l'influence de l'orgueil, et leurs œuvres elles-mêmes en ont été la preuve. Car celle que produit l'humilité ne se corrompt jamais. Un religieux disait à Frère Égide, « Mon père, il me semble que nous ne connaissons pas nos véritables intérêts. Mon frère, répondit Frère Égide, certainement chacun travaille dans l'art auquel il s'est exercé, on ne réussirait pas autrement. Sachez donc que l'art le plus noble qui soit au monde, c'est de bien travailler, mais qui pourra le reconnaître, s'il ne s'y exerce auparavant? Heureux celui qu'aucune chose créée ne peut scandaliser, Mais plus heureux encore celui qui s'édifie de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il entend. Chapitre 7. Du dégoût des choses temporelles. Un déluge de maux et de peines tombera sur l'homme misérable qui met son cœur, son espérance et ses désirs dans les choses de la terre. Il y sacrifiera les biens du ciel, et finira par n'en plus posséder aucun. L'aigle prend son vol très haut, mais il ramperait si un fardeau était attaché sous son aile. Ainsi l'homme, appesanti par le poids des choses de la terre, ne peut voler bien haut, c'est-à-dire qu'il ne peut arriver à la perfection. Mais celui qui a la prudence d'attacher aux ailes de son cœur le poids du souvenir de la mort et du jugement, en éprouvera une salutaire crainte qui l'empêchera de courir et de voler par toutes les vanités et les richesses de ce monde qui ne produisent que la damnation. Nous voyons tous les jours des hommes qui travaillent, se fatiguent beaucoup et s'exposent même à de grands dangers pour acquérir des biens trompeurs. Et puis, quand, après de longues fatigues, ils sont arrivés à leur but, ils meurent et laissent tout ce qu'ils ont amassé durant leur vie. Ne nous confions donc pas à ce monde qui abuse de la crédulité de tous ceux qui comptent sur lui, c'est un imposteur. Mais que celui qui veut être vraiment grand et vraiment riche, recherche et affectionne les biens et les richesses qui ne passent pas et qui rassasient, sans dégoûter jamais, sans diminuer jamais. Voulons-nous marcher dans la voie droite, imitons les animaux, et surtout les oiseaux, quand ils ont trouvé leur nourriture du moment, ils sont contents et n'en demandent pas davantage. L'homme, lui aussi, devrait se contenter du simple nécessaire, sans rechercher le superflu. Frère Égide disait que saint François n'aimait pas les fourmis autant que les autres animaux, à cause de la grande sollicitude qu'elles ont d'amasser, pendant l'été, une abondante provision de grains pour l'hiver. Il aimait beaucoup mieux les oiseaux qui vivent au jour le jour. Cependant la fourmi nous apprend que nous ne devons pas demeurer oisifs dans l'été de la vie présente, pour éviter de nous trouver vides et sans fruits pendant l'hiver du jugement dernier. Chapitre 8. De la sainte chasteté. Notre pauvre et misérable chair est semblable à un animal immonde qui se fait un plaisir de se vautrer dans la fange, et qui trouve là sa plus grande satisfaction. Elle se fait le chevalier du démon. Elle combat en résistant à tout ce qui tend à la volonté de Dieu et au salut de notre âme. Un religieux disait un jour à Frère Égide, « Père, enseignez-moi le moyen de fuir les péchés de la chair. » « Mon frère, répondit Frère Égide, celui qui veut déplacer un fardeau énorme, une grosse pierre, pour la transporter ailleurs, doit chercher à y parvenir plutôt par l'adresse que par la force. Et nous aussi, si nous voulons triompher des vices de la chair et acquérir la vertu de la chasteté, le meilleur moyen que nous ayons à prendre c'est l'humilité, c'est une direction spirituelle, sage et discrète. Ce moyen nous réussira bien mieux que des austérités présomptueuses et de sévères pénitences que nous pourrions nous imposer de notre propre volonté. La sainte et resplendissante chasteté est troublée par le moindre vice. Elle est semblable à un miroir brillant, qui ne s'obscurcit pas seulement par le contact des objets malpropres, mais que le moindre souffle peut ternir. Il est impossible que nous puissions jamais parvenir à aucune grâce spirituelle, tant que nous sommes inclinés vers les concupiscences charnelles, prenons toutes les formes qu'il nous plaira, non, jamais nous n'y arriverons que nous n'ayons auparavant exterminé tous ces péchés honteux. Sachons donc combattre vaillamment contre la sensualité et la fragilité de la chair, de cet ennemi qui ne songe qu'à nous attaquer nuit et jour, une fois que nous l'aurons vaincu, Nous aurons par là même triomphé de nos autres ennemis, et bientôt nous arriverons aux grâces spirituelles, aux vertus et à la perfection. Frère Égide disait, « De toutes les vertus, la chasteté est celle que je préfère, car, en elle seule, se trouve déjà une certaine perfection, tandis que, sans elle, il n'est pas de vertu véritablement parfaite. » Un religieux demandait un jour à Frère Égide, « Mon père, la charité n'est-elle pas une vertu supérieure et préférable à la chasteté ?»« Dites-moi, mon frère, répondit Frère Égide, est-il au monde une vertu plus pure et plus sainte que la chasteté ?» Souvent Frère Égide chantait ce sonnet, « Ô sainte chasteté, ô que tu es excellente, vraiment tu es précieuse !» Et ton odeur est si suave que celui qui ne l'a point goûtée, ne sait rien de toi, aussi les insensés ne savent pas t'apprécier. Un religieux disait à Frère Égide, « Père, vous qui recommandez avec tant d'instance la vertu de chasteté, je vous en prie, dites-moi en quoi elle consiste. » Frère Égide répondit, « Mon frère, je vous le dis, c'est avec justice que l'on définit la chasteté, la gardienne qui veille sans cesse sur les sens corporels et spirituels, et qui les conserve à Dieu pur et sans tache. » Chapitre 9. Des tentations. L'homme ne peut conserver en paix les grâces qu'il a reçues de Dieu, il faut que bientôt le trouble et l'adversité viennent s'y mêler. D'ailleurs, plus on est agréable à Dieu, plus sont violentes les attaques et les luttes que l'on doit soutenir contre les démons. Aussi le fidèle ne doit jamais cesser de combattre, s'il veut conserver la grâce que Dieu lui a départie, et plus sera vive la lutte à laquelle il résistera, plus sera brillante la couronne qu'il remportera après la victoire. Mais pour nous, les combats, les obstacles et les tentations que nous avons à surmonter sont rares, car nous ne sommes pas ce que nous devrions être dans les voies spirituelles. Il est pourtant vrai que si nous suivions avec sagesse et discrétion les sentiers qui conduisent à Dieu, nous n'éprouverions, dans notre voyage, ni ennui, ni fatigue. Mais, pour ceux qui marchent dans les voies du siècle, ils seront obligés de passer, jusqu'au moment de leur mort, par les fatigues, les ennuis, les angoisses et les tribulations. Un religieux disait un jour à Frère Égide, « Mon père, il me semble que vous avancez deux choses qui se contredisent, vous dites que plus on est vertueux et agréable devant Dieu, plus les luttes que l'on doit soutenir dans la vie spirituelle sont fréquentes, et vous ajoutez ensuite que celui qui suivrait avec sagesse et discrétion la voie qui conduit à Dieu n'éprouverait, dans son voyage, ni ennui, ni fatigue. » Alors Frère Égide lui expliqua cette apparente contradiction et lui dit, « Mon frère, il est certain que les démons tentent beaucoup plus violemment les hommes de bonne volonté, selon Dieu, que ceux qui suivent une route opposée, mais, pour celui qui marche avec discrétion et ferveur dans les voies de Dieu, quel ennui, quel dommage pourraient lui causer soit les démons, soit toutes les adversités de ce monde? Ne sait-il pas? Ne voit-il pas que ce trompeur vend ses marchandises mille fois plus qu'elle ne vaut? Je vous le dis avec certitude, quand une fois on est embrasé de l'amour divin, plus on est combattu par les vices, plus on les a en horreur et en abomination. Les cruels démons choisissent ordinairement, pour tenter l'homme, le moment où son corps est dans la souffrance, ainsi quand il souffre le froid, le chaud, la faim, la soif, ou bien encore quand l'injure et le mépris tombent sur lui, ou qu'il éprouve quelque autre dommage, soit spirituel, soit temporel, oui, car ils savent qu'alors il est plus disposé à recevoir leurs tentations. Mais, je vous le dis, à chaque tentation et à chaque vice dont vous triompherez, vous acquérez une vertu, et la victoire que vous aurez remportée sur le péché sera suivie d'une grâce plus abondante, d'une couronne plus précieuse. Un religieux disait un jour à Frère Égide, « Père, je suis souvent tourmenté par une tentation mauvaise, j'ai beaucoup prié Dieu pour qu'il daigne à m'en délivrer, et mes prières n'ont pas été exaucées, dites-moi, mon père, que dois-je faire ?»« Mon frère, répondit Frère Égide, plus les armes qu'un prince donne à ses chevaliers sont belles et fortes, plus il a droit d'attendre que la lutte qu'ils vont opposer à ses ennemis sera constante et vigoureuse. » Un autre frère lui demandait, « Père, que dois-je faire pour aller à l'oraison plus volontiers et avec plus de ferveur ? Jusqu'à présent je m'y suis trouvé sec, aride, négligent et sans piété. » Frère Égide lui répondit, « Un roi a deux serviteurs, l'un est armé de pied en cap, l'autre est sans défense, et tous deux doivent entrer dans la lutte et combattre pour lui. Celui qui est armé se présente avec assurance, mais l'autre dit à son prince, « Maître, vous le voyez, je suis nu et sans armes, cependant, pour vous prouver mon attachement, je marcherai au combat et je lutterai tel que je suis. » Alors le bon roi, voyant le dévouement de son fidèle sujet, dit à ses ministres, « Allez avec ce zélé serviteur, donnez-lui toutes les armes nécessaires pour qu'il puisse, en sûreté, s'avancer au combat, et puis, je veux qu'il soit reconnu comme un de mes braves chevaliers, c'est pourquoi j'ordonne que mon sceau royal soit imprimé sur ses armes. » Voilà ce que nous éprouvons souvent lorsque nous nous rendons à l'oraison, nous nous trouvons dépouillés de tout, sans piété, indolents et arides. Efforçons-nous cependant, pour l'amour de notre Seigneur, d'entrer dans la lutte de la prière. Alors notre roi bienfaisant, voyant les efforts de ses chevaliers, leur donnera, par les mains des anges ses ministres, la dévotion, la ferveur et la bonne volonté. Pour recueillir le fruit en son temps, il est quelquefois nécessaire de commencer par un travail très pénible, comme de couper le bois, de labourer la terre, de cultiver la vigne. Mais plusieurs s'arrêtent fatigués et découragés, et ils se repentent de s'être remis à l'œuvre. Pour ceux qui s'efforceront de travailler jusqu'à la récolte, ils oublieront ensuite toute leur peine, et ils se trouveront consolés et joyeux en voyant les fruits dont ils pourront jouir. Ainsi celui qui persévérera, malgré les tentations, finira par goûter d'abondantes consolations, car, après les tribulations, dit l'apôtre, viennent les consolations et les couronnes de la vie éternelle. Et, ceux qui auront résisté aux tentations ne seront pas seulement récompensés dans le ciel, ils le seront dès cette vie même, suivant ce que dit le psalmiste. Seigneur, vos consolations viendront réjouir mon âme selon la multitude des tentations et des douleurs que j'ai éprouvées. Ainsi, plus la tentation et la lutte auront été violentes, plus la couronne sera glorieuse. Un religieux consultait Frère Égide au sujet des tentations, et il lui disait, « Mon père, je suis tourmenté par deux tentations, quand je fais quelque chose de bien, aussitôt se présente à mon esprit une pensée de vaine gloire, et puis, lorsqu'il m'est arrivé de tomber dans une faute, j'éprouve ensuite une grande tristesse et une nonchalance qui me conduit presque au découragement. » Frère Égide répondit, « Mon frère, vous avez raison de vous plaindre de votre faiblesse et de vos péchés, mais il faut que vos plaintes soient discrètes et modérées, Et vous devez vous rappeler que la miséricorde de Dieu surpasse infiniment toutes vos fautes, que si la divine clémence reçoit la pénitence le plus grand pécheur dont le crime a été volontaire, et qui se repent, croyez-vous qu'elle abandonne celui dont le péché est involontaire et qui est déjà contrit et repentant? Je vous conseille aussi de ne jamais cesser de faire le bien, par la crainte de la vaine gloire. Si le laboureur, au moment de semer, se disait « Je ne veux pas jeter mon grain, car peut-être les oiseaux viendraient et le mangeraient », si, dis-je, il s'en tenait là, certainement il ne recueillerait aucun fruit au jour de la moisson. Mais s'il sème son grain, quoi qu'il puisse se faire, en effet, que les oiseaux en mangent un peu, il pourra néanmoins en recueillir la plus grande partie. Ainsi, quand vous serez tenté de vaine gloire, ne faites jamais le bien en vue de vous la procurer, combattez-la au contraire, et alors, je vous le dis, malgré vos tentations, vous ne perdrez pas le mérite des bonnes œuvres que vous aurez pratiquées. Un religieux disait un jour à Frère Égide, « Père, on raconte que Saint Bernard récita une fois les sept psaumes de la pénitence avec un si grand calme d'esprit et une telle dévotion, qu'il n'eut pas la moindre distraction. « Mon frère, répondit Frère Égide, je suppose deux hommes, dont l'un est à la garde d'un château qu'il défend contre les assauts de l'ennemi, en combattant avec valeur, tandis que l'autre se tient en paix, sans que rien vienne le troubler. Eh bien, j'estime qu'il y a plus de mérite dans le premier que dans le second. » Chapitre 10. De la Sainte Pénitence. Nous devrions affliger notre corps par de continuelles macérations, nous devrions souffrir volontiers les injures, les tribulations, les peines, les douleurs, la honte, le mépris, les opprobres, les adversités et les persécutions pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même nous en a donné l'exemple. En effet, depuis le jour de sa glorieuse nativité jusqu'à sa très sainte passion, n'a-t-il pas supporté constamment les angoisses, les tribulations, les douleurs, le mépris, les peines et les persécutions, et tout cela pour notre salut? Si donc nous voulons arriver à l'état de grâce, il faut que, sans tarder, nous suivions, autant qu'il est en nous, les traces et les exemples de notre bon Maître Jésus-Christ. Un séculier demandait un jour à Frère Égide, « Mon Père, comment pouvons-nous, nous autres séculiers, parvenir à l'état de grâce ?»« Mon frère, répondit Frère Égide, il faut d'abord que vous vous repentiez de vos fautes avec une grande contrition de cœur. Puis, vous vous confesserez à un prêtre, avec amertume et douleur intérieure, vous accusant simplement, sans feinte et sans excuse, enfin, vous accomplirez parfaitement la pénitence qui vous sera imposée par votre confesseur. Il faut aussi que vous vous gardiez de tout vice, de tout péché et même de toute occasion de péché. Vous devez encore vous former à la pratique des bonnes œuvres envers Dieu et envers le prochain, et c'est par cette voie que vous arriverez sûrement à l'état de grâce et de vertu. Heureux celui qui sent continuellement dans son cœur la douleur de ses péchés, qui pleure, nuit et jour, dans l'amertume de son âme les fautes dont il s'est rendu coupable envers Dieu. Heureux celui qui a toujours devant les yeux de son esprit les afflictions, les peines et les douleurs de Jésus-Christ, et qui, par amour pour ce bon Maître, ne voudra, en ce monde si fécond en malheur et en tempête, aucune consolation temporelle, jusqu'à ce qu'il puisse parvenir à ces jouissances célestes de la vie éternelle où la joie des bienheureux mettra le comble à ses désirs. Chapitre 11. De la Sainte Oraison. L'oraison est le principe, le milieu et la fin de tout bien. C'est elle qui éclaire l'âme et qui lui fait discerner le bien d'avec le mal. Tout pécheur devrait chaque jour prier Dieu avec ferveur et humilité de lui faire connaître sa propre misère, ses péchés, et les bienfaits qu'il a reçus et qu'il reçoit encore à chaque instant de sa divine bonté. Mais comment pourra-t-il connaître Dieu, celui qui ne sait pas prier? Ceux qui veulent le salut de leur âme doivent, s'ils comprennent bien leurs intérêts, diriger tous leurs efforts vers la sainte oraison. Frère Égide disait, si un homme avait un fils condamné à mort ou au bannissement pour ses crimes, certainement il ne voudrait prendre aucun repos qu'il n'eût obtenu la révocation de la sentence portée contre le coupable, il emploierait les prières, les supplications, les présents, tout ce qu'il pourrait enfin, par lui-même aussi bien que par ses parents et ses amis. Si donc l'homme prend tant de sollicitude pour son fils, qui, après tout, est sujet à la mort, à combien plus forte raison ne doit-il pas prier Dieu et le faire prier par de pieuses âmes et même par les saints du paradis, lorsqu'il voit son âme, qui est immortelle, bannie de la cité céleste et vraiment condamnée à mort pour ses péchés. Un religieux disait à Frère Égide, « Mon père, il me semble que l'on devrait être triste et désolé, quand on n'a pas la grâce de la dévotion dans la prière. Mon frère, répondit Frère Égide, je vous conseille d'y aller très doucement. Si vous aviez, dans un tonneau, une petite quantité de bon vin, sous lequel se trouverait encore la lie, certainement vous ne voudriez pas frapper ni remuer ce tonneau, dans la crainte de tout mêler. Eh bien, je vous le dis aussi, tant que la prière ne sera pas dégagée de toute concupiscence vicieuse et charnelle, elle ne pourra produire la consolation divine, car alors elle n'est pas pure devant Dieu, elle est mêlée avec la lie de la chair. Il faut donc que nous nous efforcions, le plus que nous le pouvons, de nous dégager de cette concupiscence malheureuse, afin que notre prière soit pure devant Dieu et qu'elle attire sur nous la dévotion et la consolation divine. Un religieux demandait un jour à Frère Égide, « Père, comment donc se fait-il que l'esprit soit tenté, combattu et travaillé avec plus de violence pendant l'oraison qu'en tout autre temps ?» Frère Égide répondit, « Quand nous avons quelque affaire à plaider devant un juge, nous allons d'abord lui exposer nos raisons, lui demander ses avis et son assistance, mais, dès qu'il s'en aperçoit, notre adversaire arrive aussitôt à son tour pour nous contredire et s'opposer à ce que nous réclamons, et c'est ainsi que, réfutant tout ce que nous disons, il nous présente une forte opposition. Eh bien, de même aussi, quand nous sommes en prière et que nous demandons aide et secours à Dieu dans notre cause, aussitôt le démon, notre adversaire, arrive avec ses tentations pour nous résister et nous contredire, il emploie la force, la ruse, l'insinuation pour nous détourner de notre prière, pour l'empêcher de devenir agréable devant Dieu et de nous attirer le mérite et la consolation. C'est là une vérité que nous pouvons connaître par notre propre expérience, n'est-il pas vrai que, quand nous nous entretenons des choses du siècle, ce n'est pas alors que les tentations viennent jeter le trouble dans notre esprit? Au contraire, allons à l'oraison, et aussitôt elles arriveront en foule, le démon nous les enverra pour nous distraire et empêcher notre âme de goûter les douceurs et les consolations qu'elle attend de son entretien avec Dieu. Frère Égide disait que l'homme qui prie doit se comporter comme un brave chevalier au milieu du combat. Arrive-t-il qu'il soit éteint, frappé par l'ennemi, il ne quitte pas pour cela le champ de bataille, il résiste avec courage pour triompher de son adversaire, et trouver ensuite dans la victoire le bonheur et la consolation. Si, au contraire, il se retirait au premier coup, il n'emporterait, dans sa fuite, que la confusion et l'opprobre, et nous aussi, que jamais les tentations ne nous fassent abandonner la prière, sachons, au contraire, leur résister avec courage, oui, car heureux est celui qui souffre les tentations, dit l'apôtre, il recevra, après les avoir surmontées, la couronne de la vie éternelle. Mais si elles nous font renoncer à l'oraison, vaincus alors par le démon, notre ennemi, nous n'emporterons de notre défaite que la confusion et la honte. Un religieux disait un jour à Frère Égide, « Père, je connais des personnes auxquelles Dieu accorde le don des larmes dans la prière, et moi j'y demeure tout aride. » « Mon frère, répondit Frère Égide, je vous conseille de vous appliquer à la prière avec humilité et fidélité, on ne recueille les fruits de la terre qu'après de longs travaux et beaucoup de fatigue, et même la récolte ne suit pas encore immédiatement ces pénibles labeurs, il faut attendre que le temps en soit venu. Ainsi Dieu ne nous accorde pas toujours ses grâces au moment où nous les lui demandons, il attend l'instant favorable où notre cœur soit purifié de toute affection charnelle et de tout péché. Appliquez-vous donc humblement à la prière, Dieu, qui est la bonté et la clémence même, connaît tout et sait ce qui nous est le plus avantageux. Quand le temps de la récolte sera venu, alors, comme un bon père, il nous accordera des fruits abondants de consolation. Un autre religieux disait à Frère Égide, « Frère Égide, que faites-vous ? Frère Égide, que faites-vous ? » Et il répondit, « Je fais le mal. Et quel mal faites-vous donc ? » demanda le frère. Alors Frère Égide, se tournant vers un autre religieux, lui dit, « Mon frère, croyez-vous que Dieu soit plus disposé à nous accorder sa grâce que nous ne le sommes nous-mêmes à la demander ?»« Je le crois, » répondit le frère. « Eh bien, » reprit Frère Égide, « pouvons-nous dire que nous faisons le bien ? Loin de là, » dit le frère, « c'est le mal que nous faisons. Vous le voyez donc, mon frère, » ajouta Frère Égide, en revenant à celui qui l'avait d'abord interrogé, « Nous faisons le mal, et la réponse que je vous donnais était juste. » Frère Égide disait, « Beaucoup de choses sont louées et recommandées dans la Sainte Écriture, ainsi les œuvres de miséricorde et d'autres bonnes œuvres encore. Mais quand le Seigneur vient à parler de la prière, il dit, « Le Père Céleste cherche et veut des hommes qu'il adore sur la terre, en esprit et en vérité. » Il disait encore que les vrais religieux sont semblables aux loups, ces animaux ne sortent de leur tanière que quand ils se sentent pressés par une grande nécessité, et quand ils ont trouvé ce dont ils avaient besoin, ils rentrent aussitôt sans chercher à demeurer parmi les hommes. Les bonnes œuvres sont autant d'ornements qui embellissent l'âme, mais l'oraison, plus que toutes les autres, l'embellit et l'éclaire. Un religieux qui était très lié avec Frère Égide, lui disait un jour, « Pourquoi donc ne paraissez-vous pas quelquefois en public pour y parler des choses de Dieu, exhorter les fidèles et procurer le salut de leurs âmes ? Mon frère, répondit Frère Égide, je veux remplir mes devoirs envers le prochain avec humilité, mais sans détriment pour mon âme, et par conséquent sans renoncer à l'oraison. Au moins, reprit le frère, au moins devriez-vous visiter quelquefois vos parents. Ne connaissez-vous donc pas, répliqua Frère Égide, ces paroles du Seigneur dans son évangile. Celui qui abandonnera son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et ses biens pour l'amour de moi, sera récompensé au centuple. Puis il ajouta, un gentilhomme est entré en religion, laissant dans le monde une fortune de 60 000 livres. Combien donc sera abondante la récompense de ceux qui quittent tout pour l'amour de Dieu, puisqu'ils en auront encore 100 fois plus. Mais, hélas, que nous sommes aveugles, quand nous rencontrons une âme vertueuse et en grâce devant Dieu, notre misère et notre défaut d'intelligence nous empêchent de comprendre sa perfection. L'homme vraiment spirituel ne désire voir et entendre personne que par nécessité, car, pour lui, il veut être séparé de tout le monde et uniquement uni à Dieu par la contemplation. Alors frère Égide dit à un autre religieux, « Père, je désirerais savoir ce que c'est que la contemplation. Je l'ignore, mon père, répondit le frère. Et frère Égide reprit. Père, je voudrais qu'on le comprît bien, la contemplation, c'est un feu divin, une onction suave de l'Esprit Saint, un ravissement, une extase de l'âme enivrée de la douceur ineffable des choses divines. C'est une satisfaction douce et calme dans laquelle l'esprit est transporté d'admiration à la vue des beautés suprêmes et éternelles. Enfin, c'est un sentiment intérieur et brûlant de la gloire céleste et inénarrable. » Chapitre 12 De la Sainte Prudence Spirituelle. Ô vous serviteurs du Roi des Cieux, qui désirez connaître les secrets de la prudence utile et méritoire, ouvrez bien les oreilles de votre intelligence, recevez avec empressement, conservez avec soin dans votre mémoire le précieux trésor des enseignements et des avis que je vais vous exposer. Vous trouverez là une lumière et un guide dans votre voyage, par là, vous serez à l'abri des attaques de vos ennemis spirituels et temporels, et vous pourrez, en sûreté et avec une humble audace, naviguer sur la mer orageuse de cette vie, jusqu'à ce que vous arriviez au port, si ardemment désiré, du salut. Ainsi, mon fils, écoutez et comprenez bien ce que je vais vous dire. Voulez-vous bien voir? Arrachez-vous les yeux et devenez aveugle. Voulez-vous bien entendre? Rendez-vous sourd. Voulez-vous bien parler, soyez muet. Voulez-vous bien marcher, restez debout et laissez-vous guider par l'esprit. Voulez-vous bien travailler, coupez-vous les mains et travaillez avec votre cœur. Voulez-vous bien aimer, haïssez-vous vous-même. Voulez-vous bien vivre, mortifiez-vous. Voulez-vous amasser de grands biens et devenir riche, perdez tout ce que vous possédez. Soyez pauvre. Voulez-vous bien jouir et vous reposer, affligez-vous, tenez-vous toujours en crainte et défiez-vous de vous-même. Voulez-vous être exalté et recevoir de grands honneurs, sachez-vous humilier. Voulez-vous qu'on vous respecte, méprisez-vous vous-même et honorez ceux qui vous couvrent de mépris et de honte. Voulez-vous avoir toujours le bien en partage, supportez le mal. Voulez-vous être béni? Souhaitez que l'on vous maudisse et que l'on dise du mal de vous. Voulez-vous posséder le repos véritable et éternel? Mortifiez-vous. Souhaitez que toutes les afflictions temporelles tombent sur vous. Ô la haute sagesse, que celle qui conduit à la pratique de tous ces conseils. Mais, parce que ce sont là des vertus supérieures et sublimes, peu d'âmes seulement en sont favorisées de Dieu. Et pourtant, je vous le dis, tout est là, celui qui s'appliquerait à mettre ses avis en pratique, n'aurait plus besoin d'aller à Bologne ou à Paris apprendre une autre théologie. Un homme qui vivrait 1000 ans et qui travaillerait à purifier son cœur, à régler et à perfectionner son esprit et son âme, n'aurait pas besoin d'aucun autre exercice extérieur, ni d'aucun autre sujet d'entretien pour l'occuper pendant cette longue vie. Nous ne devrions chercher à voir et à entendre que ce qui contribue à l'utilité de notre âme, ce devrait être là l'unique objet de nos entretiens. Celui qui ne se connaît pas soi-même n'est pas connu des autres. Malheur à nous quand nous recevons les dons et les grâces du Seigneur et que nous ne savons pas les apprécier. Mais malheur encore plus à ceux qui ne les reçoivent pas, qui ne les apprécient pas et qui ne se mettent pas en peine de les acquérir, ni de les posséder. L'homme qui est fait à l'image de son Créateur, est en possession de changer ses desseins comme il lui plaît, mais Dieu est irrévocable dans ses arrêts. Note. N'est-il pas vrai que ce chapitre respire le plus pur esprit de l'Évangile? Que de vérité en peu de mots, vérités si hautes et si belles, mais ce sont des folies pour le monde. Chapitre 13. De la science utile et de la science inutile. Celui qui veut savoir beaucoup, doit travailler beaucoup, s'humilier beaucoup, s'abaisser soi-même, courber la tête jusqu'à terre, alors seulement le Seigneur lui accordera la sagesse et une science abondante. La haute sagesse consiste à faire toujours le bien, à s'appliquer à l'exercice des vertus, à se garder de tout péché et de toute occasion de péché, en occupant sans cesse son esprit des jugements de Dieu. Un jour, frère Égide disait à quelqu'un qui voulait fréquenter les écoles pour devenir savant, « Mon frère, que voulez-vous donc apprendre? Je voudrais que vous comprissiez bien que la véritable sagesse consiste dans la crainte et l'amour, tout est là. Une fois que vous possédez la science nécessaire pour vous bien diriger en cette vie, que vous faut-il de plus? Ne vous mettez pas tant en peine d'étudier pour les autres, appliquez-vous tout d'abord à ce qui vous est utile pour vous-même. Il arrive souvent que nous voulons savoir beaucoup pour l'utilité des autres et fort peu pour notre utilité propre. Je vous le dis, la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour que nous l'enseignions et que nous en nourrissions notre curiosité, mais bien pour que nous nous y conformions dans notre conduite. On a vu des imprudents qui, ne sachant pas nager, se jeter à l'eau pour secourir des personnes qui se noyaient, qu'arrivait-il? C'est que tous ensemble finissaient par périr. Si vous ne pouvez sauver votre âme, comment donc prétendez-vous sauver celle de votre prochain? Et si vous ne savez diriger vos actions, comment pensez-vous diriger celle des autres? Il ne faut pas croire que vous puissiez aimer plus efficacement l'âme de votre prochain que la vôtre elle-même. Les prédicateurs de la parole de Dieu doivent se montrer comme les étendards, les lumières et les miroirs du peuple. Heureux celui qui conduit les autres dans la voie du salut, sans cesser jamais d'y marcher lui-même. Heureux celui qui excite les autres à courir dans cette carrière et qui sait y courir lui-même. Mais plus heureux encore celui qui apprend les autres à s'enrichir et qui prend le moyen de s'enrichir lui-même. Je crois que le bon prédicateur se prêche encore plus lui-même qu'il ne prêche les autres. Il me semble que celui qui veut convertir les pécheurs et diriger leurs âmes dans la voie qui conduit à Dieu, doit craindre toujours de trouver en eux une occasion de se pervertir lui-même et de descendre dans le chemin des vices, des démons et de l'enfer. Chapitre 14. Des bonnes et des mauvaises paroles. Celui qui ne laisse échapper que des paroles bonnes et utiles aux âmes, est vraiment comme l'organe de l'Esprit Saint, mais celui dont les paroles sont mauvaises et inutiles, est certainement l'organe du démon. Quand des hommes pieux et spirituels se rassemblent pour quelque entretien, ils devraient toujours parler de la beauté de la vertu, afin de la rendre plus agréable et plus attrayante, car il est certain qu'on s'exercerait bien plus volontiers à la pratique des vertus, si on s'y plaisait, puis, en s'y plaisant, on les aimerait davantage, enfin, par ce vif amour qu'on aurait pour elles, par cette pratique continuelle qu'on en ferait, par le plaisir qu'on y trouverait, L'âme arriverait à un amour de Dieu plus fervent, à un degré de perfection plus élevé, et ainsi la divine bonté répandrait sur elle une plus grande abondance de faveurs et de grâces. Plus nous avons à souffrir des tentations, plus nous devons nous entretenir des saintes vertus, car, de même que, dans les mauvais entretiens, nous succombons plus facilement au péché, ainsi dans les pieuses conversations sur les vertus, nous nous sentons plus disposés à les pratiquer. Mais que dirons-nous du bien qu'engendrent les vertus? Il est si grand, que nos paroles sont impuissantes pour exprimer dignement son excellence admirable et infinie. Que dirons-nous aussi du mal et des peines éternelles que produisent les vices? C'est un abîme si profond qu'il nous est impossible de nous le figurer et d'en parler exactement. Je crois qu'il y a autant de vertus à savoir bien se taire qu'à savoir bien parler. Je voudrais que l'homme eût un coulon comme celui de la grue, afin qu'au moment où il serait pour parler, sa parole, avant d'arriver sur les lèvres, fut obligé de s'arrêter à plusieurs nœuds, je veux dire, qu'à l'instant où il voudrait parler, il serait forcé de penser et de repenser, d'examiner, de discerner avec un grand soin comment et pourquoi il parle, la circonstance dans laquelle il se trouve, la condition de ceux auxquels il s'adresse, le résultat que doivent produire ses paroles, enfin son intention et ses motifs. Chapitre 15 De la bonne persévérance. Que sert à l'homme de passer sa vie dans l'exercice du jeûne, de la prière, de la mortification et de la méditation des choses du ciel, si, après cela, il n'arrive pas au port heureux et désiré du salut, s'il n'a pas la bonne et ferme persévérance? On voit quelquefois apparaître au milieu des mers un vaisseau magnifique, grand, solide, neuf et chargé d'une riche cargaison, qu'une tempête survienne, que le pilote manque à son poste, vous le verrez sombrer, il disparaîtra sous les flots, sans avoir pu toucher au port. D'autres fois, c'est un vieux bâtiment qui vogue sur la mer, sa cargaison n'est pas de grand prix, mais il est dirigé par un pilote sage et discret, et sa traversée est heureuse, il échappe aux abîmes et il arrive au port désiré. Ainsi en est-il pour nous sur la mer orageuse de ce monde. C'est pourquoi frère Égide disait, nous devons être dans une appréhension continuelle, quelle que soit notre prospérité, notre dignité et la perfection de notre état, si nous ne sommes dirigés par un bon pilote, c'est-à-dire par un guide sage. Nous sommes exposés à périr misérablement dans l'abîme des vices. La persévérance est donc une chose très importante, car, comme dit l'apôtre, ce n'est pas celui qui commence, mais celui qui persévère qui sera couronné. Quand un arbrisseau ne fait que sortir de terre, il ne devient pas grand en un instant, lorsqu'il est devenu grand, il ne porte pas aussitôt ses fruits, et lors même qu'il a ses fruits, tout n'est pas encore pour la bouche du maître. Plusieurs tombent à terre, pourrissent, se gâtent et deviennent la pâture des animaux, mais lorsqu'est arrivé le temps de la récolte, la plus grande partie de ses fruits est cueillie et revient au possesseur de l'arbre. Frère Égide disait encore, que me sert de jouir pendant 100 ans de la félicité du royaume des cieux, si cette jouissance peut m'échapper ensuite et si ma fin doit être malheureuse. Il disait aussi, persévérer avec amour dans le service de Dieu, se tenir toujours en garde contre le péché, voilà, à mon avis, les deux grâces les plus précieuses et les deux plus grandes faveurs que l'on puisse obtenir de la bonté de Dieu. Chapitre 16 De la vraie religion. Frère Égide disait, en parlant de lui-même, J'aimerais mieux que Dieu m'accordât les moindres grâces dans l'état de religion, que les grâces les plus abondantes au milieu du siècle, car il y a, dans le monde, plus de périls, plus d'obstacles, moins de remèdes et moins de soutien. Il disait aussi, « Il me semble que le pécheur craint plus son bien qu'il ne produit son malheur et sa perte, il craint d'entrer en religion pour y faire pénitence, et il ne craint pas d'offenser Dieu et son âme en demeurant dans un monde dur, obstiné, plongé dans la fange impure de ses péchés et dans l'attente de son éternelle damnation. » Un séculier demandait à Frère Égide, « Père, que me conseillez-vous de faire ? Dois-je entrer en religion, ou demeurer dans le siècle en y faisant des bonnes œuvres ?»« Mon frère, répondit Frère Égide, il est certain que si un homme, dans le besoin, savait qu'il y a un trésor caché dans un champ commun, il ne demanderait pas conseil pour savoir s'il ferait bien de le déterrer et de l'emporter chez soi. Mais avec combien plus de sollicitude ne devons-nous pas nous empresser de nous-mêmes d'aller chercher le trésor céleste qui se trouve dans la sainte religion et dans les congrégations pieuses ? À cette réponse, le séculier partit pour distribuer aux pauvres les biens qu'il possédait, et, ainsi dépouillé de tout, il entra dans la sainte religion. Frère Égide disait, bien des personnes entrent en religion et ne savent pas mettre en usage les avantages qui s'y trouvent, elles ressemblent à ce paysan qui se couvrit des armes de Roland, sans pouvoir les manier ni s'en servir au combat. Chacun ne sait pas monter un cheval rétif et vicieux, qu'un maladroit veuille en faire l'essai, il s'expose à tomber dès que ce cheval prendra sa course ou qu'il bronchera. Frère Égide disait encore, « Je n'estime pas qu'il y ait un grand mérite à entrer à la cour d'un roi, ni même à en obtenir quelques faveurs et quelques bienfaits. Le grand mérite, c'est de savoir se conserver dans ses bonnes grâces, et de se conduire toujours, près de lui, avec sagesse et discrétion. Eh bien, la cour du grand roi du ciel, c'est la sainte religion. On peut y entrer sans peine et y recevoir de Dieu des grâces et des faveurs, mais le point important, c'est de savoir y vivre et y persévérer jusqu'à la fin. » Frère Égide disait encore, « J'aimerais mieux être séculier, et, dans cet état, nourrir le désir d'entrer en religion que d'y vivre sans pratiquer les vertus qu'elle impose, dans la paresse et la négligence. » Le religieux devrait donc s'efforcer de mener une vie sage et vertueuse, sachant qu'il ne peut vivre dans un autre état que dans sa profession. Frère Égide disait un jour, « Il me semble que la religion de frère mineur a été véritablement établie par Dieu pour l'utilité et la grande édification du monde, mais malheur à nous, si nous ne sommes pas tels que nous devrions être. » Il est certain que si nous remplissions exactement toutes nos obligations, il n'y aurait pas, sur la terre, d'hommes plus heureux que nous. En effet, celui-là est saint qui marche sur les traces d'un saint, celui-là est vraiment bon qui suit les exemples d'un homme connu par sa bonté, enfin celui-là est riche qui marche dans la voie du riche, or, la religion des frères mineurs ne suit-elle pas, plus que toutes les autres, les voies et les sentiers du meilleur, du plus juste, du plus riche et du plus saint qui est et qui sera jamais, les voies et les sentiers de notre Seigneur Jésus-Christ ? Chapitre 17 De la sainte obéissance. Plus un religieux sera soumis au joug de la sainte obéissance pour l'amour de Dieu, plus les fruits qu'il produira devant lui seront abondants, plus il sera docile à son supérieur pour l'honneur de Dieu, plus il se purifiera de ses péchés, plus il s'en éloignera. Le religieux vraiment obéissant est semblable à un cavalier bien équipé et monté sur un cheval vigoureux. Ils traverseront sans crainte les bataillons de ses ennemis, et les coups ne peuvent arriver jusqu'à lui. Mais pour celui qui n'obéit qu'à regret et en murmurant, c'est un cavalier désarmé, monté sur un mauvais cheval. Dès qu'il se présente au combat, les ennemis le renversent, il est blessé, fait prisonnier, et va mourir en captivité. Un religieux qui prétend vivre selon ses caprices, montre qu'il veut se construire une demeure éternelle au fond des enfers. Quand le bœuf a courbé la tête sous le joug, il devient propre à travailler la terre, qui porte des fruits en son temps, mais quand il se retire vagabond, la terre demeure inculte et sauvage, elle ne produit aucun fruit. De même aussi, un religieux qui se soumet au joug de la sainte obéissance, rend au Seigneur Dieu des fruits abondants, tandis que celui qui n'obéit qu'à contre-cœur, demeure stérile, sauvage, sans aucun fruit de sa profession. Les hommes sages et généreux n'ont pas de peine à se soumettre promptement, sans crainte et sans hésitation, au joug de la sainte obéissance. Il n'y a que les insensés et les pusillanimes qui cherchent à lui échapper et qui ne veulent obéir à personne. Un serviteur de Dieu qui obéit exactement à son supérieur, par respect et par amour pour le Seigneur, est plus parfait, à mon avis, que celui qui obéirait à Dieu même, s'il recevait directement ses ordres. En effet, celui qui obéit à un représentant de Dieu, obéirait certainement avec plus de promptitude encore si Dieu lui commandait lui-même. Il me semble aussi qu'un homme qui aurait promis obéissance à un supérieur, devrait tout quitter pour se rendre à ses ordres, les anges même, s'il lui était donné de pouvoir s'entretenir avec eux, ne serait pas capable de le retenir. Celui qui est soumis au joug de la sainte obéissance et qui veut ensuite s'en retirer, sous prétexte de mener une vie plus parfaite, celui-là, je vous le dis, s'il ne commence par devenir parfaitement obéissant, prouve qu'un orgueil excessif est caché dans son cœur. L'obéissance est la voie qui conduit à tout bien et à toute vertu, la désobéissance est celle qui tend à tout mal et à tout péché. Chapitre 18. Du souvenir de la mort. Si nous avions toujours devant les yeux le souvenir de la mort, du jugement dernier, des peines et des tourments des damnés, certainement jamais nous ne consentirions au péché. Si l'on pouvait supposer un homme qui aurait vécu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qui, après avoir essuyé, pendant cette longue vie, les adversités, les tribulations, les peines, les afflictions et les douleurs, devrait ensuite aller au ciel jouir de l'éternelle récompense, que lui ferait alors tout ce qu'il aurait eu à supporter de pénible pendant sa vie? J'en suppose un autre, au contraire, qui, après avoir épuisé pendant le cours d'une existence également longue, toutes les satisfactions, les plaisirs et les consolations du monde, devrait ensuite recevoir dans les enfers des châtiments éternels. À quoi lui servirait alors tout ce qu'il aurait goûté de bonheur sur la terre? Un homme oisif disait à Frère Égide, « Je vous assure que ce serait bien volontiers que je consentirais à vivre longtemps sur la terre, si je pouvais y posséder une grande fortune, ne manquer de rien et me voir entouré d'honneur. » Mon frère, lui répondit Frère Égide, quand même vous posséderiez le monde entier, et qu'il vous serait donné d'y vivre 1000 ans, au milieu des satisfactions, des délices, des plaisirs et des consolations, dites-moi, Quel mérite et quelle récompense pourriez-vous attendre de cette misérable chair à laquelle vous voudriez procurer tant de jouissances? Je vous le dis, celui qui vit bien, selon Dieu, évitant tout ce qui peut l'offenser, méritera de recevoir de sa bonté un bien infini, une récompense éternelle, une grande abondance de richesses et d'honneur, et une vie immortelle dans la gloire des cieux. Puissions-nous y être introduits par le bon Dieu, notre Seigneur et notre Roi. À la louange de Jésus-Christ et de François, son petit pauvre. Markhamdan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bréa 1859 et Bréa et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.